une histoire particulière. Son sort avait ému le monde entier, son courage unanimement salué sur les réseaux sociaux via le hashtag « Je suis chien ». Diesel, ce chien du raid, est mort en intervention sous les balles le 18 novembre 2015, 5 jours après les attentats. Rechercher des restes humains ou de produits accélérateurs d'incendies criminels, tel est le travail d'une brigade d'élite de la gendarmerie hors du commun, les brigades cynophiles. Pour cette nouvelle écoute, Olivia Cohen et François Test nous font partager ces relations de travail passionnelles entre hommes et chiens. Chien au service de l'État. Olivia Cohen, François Test. C'est un chien qui a été amené par son maître qui a découvert une lésion au niveau d'un doigt sur un postérieur. Donc là, on va tondre un peu le pourtour de la plaie pour examiner au mieux la plaie et puis on la traitera en conséquence dès qu'on aura un bon visuel dessus. Et après, la charge sera donnée au maître de s'occuper des soins dans les jours à venir. Ça va, il est calme. Bon, ça reste des chiens de travail, c'est nerveux. C'est pour ça qu'on les sélectionne, c'est comme ça qu'on les utilise. Et là, il va juste falloir désinfecter la plaie. On va voir. À quelques 50 km de Brive-la-Gaillarde, Gramat, dans le Lot. Nous sommes au CNICG, Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie. Ici, 250 chiens sortent diplômés chaque année. Ça ne ressemble pas vraiment à une école, plutôt à un centre de vacances. Le terrain est en pente, le chenil tout en haut, les bureaux à l'entrée, et un immense terrain où chaque jour les chiens s'entraînent. Ces chiens, vous les connaissez. Ils patrouillent dans les gares, creusent la neige pour retrouver les victimes d'avalanches. Ils vous protègent. Ils sont au service de l'État depuis des décennies. Chaque chien a sa spécialité. La dernière en date a été mise au point peu de temps après les attentats de novembre 2015. On l'appelle Rex Pémo pour recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Les premiers binômes Rex Pémo, maître et chien, ont été formés en urgence et puis envoyés sur le terrain dans la foulée. Parmi eux, une des premières femmes que nous avons suivies. Colonel Dominique Dallier, vous êtes le commandant du Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie. Est-ce que vous pouvez me rappeler de quand date ce centre ? Alors, la caserne date pour les premiers bâtiments de 1815. Donc nous, effectivement, on y est rentré à partir de 1943 et officiellement à partir de 1945. Bien sûr, ce centre a évolué au fil du temps, puisque au départ, on partait sur quelques technicités, notamment la piste, le mordant, enfin des choses, des chiens de garde patrouille, des choses relativement basiques. Et puis progressivement, on est monté en capacité technique. Maintenant, on pratique 16 technicités différentes. Est-ce que vous pouvez me rappeler justement les technicités Parmi les technicités, on distingue deux grandes familles, je devrais même dire trois grandes familles. Il y a le pistage, il y a la recherche et puis le mordant. Donc grosso modo, voilà les trois grands ensembles. Après, dans les pistes, on va trouver le piste simple, on va trouver le piste défense, où là on met du mordant au chien, éventuellement pour interpeller un malfaiteur. On va avoir du piste avalanche lorsqu'il s'agit de faire des secours en montagne, donc sous la neige. C'est un environnement particulier, mais c'est du travail cynophile. On va avoir du piste Saint-Hubert. Alors c'est un animal qui a des capacités olfactives supérieures à ses congénères. à peu près 5 millions de cellules olfactives supplémentaires, donc ce qui lui permet d'intervenir des fois après que d'autres chiens ont échoué et lui de trouver des éléments de piste notamment. Après, dans le domaine de la recherche, on va trouver les recherches traditionnelles comme les stupéfiants, les armes et les munitions, les explosifs. Après, on va rentrer sur des choses un peu plus, je dirais, spécialisées, comme la recherche de produits accélérateurs d'incendie, les billets de banque, et puis, bien sûr, la recherche d'explosifs sur les personnes en mouvement. On a aussi des chiens de garde-patrouille, comme je vous disais au début. On a des chiens d'intervention, qui ont un rôle particulier aussi pour rechercher des personnes en tout lieu. Voilà. Et puis les chiens d'assaut du GIGN que l'on recrute et que l'on forme en partie ici et en partie sur Paris. Et ensuite on va trouver toutes les technicités rares comme la recherche de restes humains, de traces de sang, voilà. Donc ça fait déjà quand même pas mal de choses, cette technicité au total. Les billets de banque aussi, quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà un exemple type sur lequel les chiens démontrent tout à fait le contraire. Allez, c'est parti. Donc moi je suis le chef Plutino Clair. Donc je suis âgée donc de 32 ans. Je suis maître de chien donc sur au sein du CNICG et particulièrement donc au groupe national d'investigation cynophile, donc le GNIC, ce qu'on appelle. Et le mieux c'est que je vous amène à mon unité, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir ce que nous on fait particulièrement, parce qu'on a un peu une technicité particulière, je ne sais pas si on vous en a parlé. Et c'est la technicité Rexpémo, c'est celle-là. Voilà, vous avez effectivement le Rexpémo, mais l'essence même de notre unité à nous, c'est la recherche de restes humains. Donc du coup c'est un peu particulier. On est donc à l'effectif 6, nous avons un officier et donc 5 sous-officiers dans cette unité, et donc on a cette technicité rare, et depuis donc 2016 nous avons la technicité Rexpémo effectivement. Donc là on entre dans un bâtiment, voilà. Qui est donc là, c'est bâtiment, vous savez, la partie bureau, budget, soutien, voilà, et ensuite nous on a l'étage. Ah, vous avez donc un bureau, oui, tout le temps. Parce qu'en fait, nous, si vous voulez, on a un bureau, mais aussi, vous pouvez le dire, on est plus au grand air que dans notre bureau. Mais il nous faut quand même un lieu pour après faire un petit peu de papier, comme tout le monde, quoi. Mais c'est pas votre endroit préféré. Ah non, parce que nous, on est une unité opérationnelle. Hein. Donc après, nous, par contre, on intervient sur tout le territoire national et aussi international, puisqu'on part faire des missions à l'étranger. Technicité Rexpémo, c'est donc la plus récente. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau ? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau ? Alors, si vous voulez, par rapport à une recherche traditionnelle en explosif, où on travaille essentiellement sur des véhicules, dans des bâtiments, donc des choses relativement inertes, là, on va travailler sur des personnes. Et le gros intérêt par rapport aux recherches traditionnelles, c'est que là, on va travailler sur l'actualité, c'est-à-dire les bombes humaines, donc des personnes qui sont susceptibles de se promener avec une ceinture d'explosifs et qui peuvent créer un attentat, donc travailler directement sur l'aspect terrorisme. Alors, cette technicité, elle est apparue avant les attentats du Bataclan, mais l'actualité a accéléré le processus de développement. Comment ça s'est passé, cette temporalité ? Alors, en fait, on avait déjà commencé à travailler sur ces questions-là. C'était à la suite des attentats qui s'étaient produits en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc, on avait étudié, bien évidemment, ces cas de figure, et on s'était dit, il faut peut-être s'y préparer également sur notre territoire. Donc, on a commencé à réfléchir comment on pouvait travailler sur ces questions-là, et on a lancé la première expérimentation fin 2014. Alors, c'est vrai que nous avons eu la visite de monsieur Bernard Cazeneuve, qui était alors ministre de l'Intérieur, en octobre 2015, auquel nous avons présenté justement cette technicité. Il a vu évoluer les chiens. Bien évidemment, ça l'a intéressé pour les questions de sécurité que l'on connaît. Et à partir de là, il nous a donné effectivement les moyens, avec la Direction Générale de la Gendarmerie, pour pouvoir mettre en œuvre des formations de recherche d'explosifs sur personne en mouvement. Donc sur votre bureau, ouais, décrivez-nous un peu votre bureau. Il y a la bouteille de Contrex, le désinfectant. Ouais, il y a aussi les coups de poing américains. Oui, c'est ça. C'est des souvenirs. Donc les photos, c'est quoi ? Alors là, les photos, justement, c'est Hagen. Donc c'est mon chien qui est formé en recherche d'explosifs et donc Rex Pemo depuis l'année dernière. Ça, c'était les autres chiens de mon unité quand j'étais sur Nice. Hagen, donc c'est mon premier chien, donc qui a été formé en 2014. Et ensuite, j'ai pour la deuxième spécialité, donc la recherche de restes humains. Donc j'ai Joker, qui est aussi un berger belge malinois, qui est validé. Et j'en ai un en cours de formation, Mocha, qui est un petit springer, qui lui aussi sera pour la recherche de restes humains. Parlez-nous un peu, enfin on va le rencontrer Hagen là dans quelques minutes, mais c'est quoi son pédigré, il a quel âge ? Bah alors Hagen, il va avoir 5 ans le mois prochain. Et c'est un berger belge balinois. C'est vraiment la recherche sur personne, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que les techniques de dressage ne sont pas les mêmes. Sur une personne, nous on l'a vu, quand on a mis nos chiens sur... on a mis par exemple donc des produits explosifs sur personne, donc des plastrons, lors de notre stage. Les chiens, naturellement, comme ils ont été formés sur les bâtiments et sur les véhicules, sur des environnements qui n'ont rien à voir avec la personne, pour eux, c'était pas... ils prenaient, si vous voulez, détecter l'odeur des explosifs, mais ils ne se rendaient pas compte que ça pouvait venir de la personne. Moi, Hagen, au départ, il n'a jamais senti une personne. On a dû en fait expliquer aux chiens que maintenant ça pouvait aussi se trouver sur personne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a conditionné avec un harnais. On a conditionné le chien. Quand il y avait le harnais, c'était recherche sur personne. Alors que quand c'est une recherche traditionnelle, par exemple, on met pas ce harnais. Mais c'était pour vraiment un conditionnement. On va peut-être aller voir Hagen. Allez, on va voir Hagen. On va voir le petit Hagen. Alors, il est assez impressionnant, mais il est très gentil. Bon. Pour moi, si vous voulez, le chien, c'est une chose, mais c'est une équipe véritablement qui travaille, parce que le travail de l'un et de l'autre est indispensable, et la cohésion entre le chien et l'homme est indispensable pour la réussite de la mission. Parce que si vous voulez, des fois, c'est le chien qui, par une désobéissance positive, va dire au maître « Attention, moi j'ai repéré quelque chose, regarde bien ce que je te montre. » Et d'autres fois, quand le maître de chien voit que le chien se déconcentre un petit peu, il va lui dire « Travaille », il va le remettre au travail et lui dire « Il faut que tu te concentres, cherche ce que je t'ai demandé de chercher. » Voilà. Donc c'est vraiment un travail de couple. Et d'ailleurs, quelque part, c'est pas innocent quand le troisième jour où on fait rentrer les gens en stage, on procède à ce que l'on appelle la cérémonie de mariage. C'est-à-dire qu'en fait, le maître de chien rencontre son animal pour la première fois et ils savent tous les deux qu'ils vont faire équipe pendant 8 à 9 ans à peu près, qui est la durée de service d'une équipe cynophile. Le mariage, c'est l'animal qui choisit ou c'est un coup de foudre mutuel ? C'est souvent l'animal qui choisit le maître. Alors si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que avant que le chien ne rentre en formation, déjà il va y avoir une période de sélection où on va étudier tous les paramètres qui nous intéressent pour faire rentrer un animal en gendarmerie. On va vérifier notamment qu'il n'est pas agressif ou qu'il n'est pas peureux, parce que tout ça c'est des conditions rédhibitoires pour faire rentrer un chien chez nous. Et ensuite on va faire aussi du côté du maître une analyse du caractère et on va voir à partir du débourrage qui aura été fait. C'est aussi une phase qui est avant la formation, où on commence déjà à faire travailler le chien et on voit quelles sont ses aptitudes. Et en fonction de tous ces éléments-là, de l'entretien ensuite qu'il y a entre le dresseur qui a préparé les chiens et le maître de chien qui va récupérer l'animal, on va voir si ça peut fonctionner. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire là voilà votre apparence, parce que vous savez moi je viens avec beaucoup de préjugés, j'imagine pas déjà rencontrer une femme, c'est surprenant, excusez-moi hein, les clichés sexistes, vous devez peut-être y être habitué, mais voilà, vous êtes déjà une femme et vous êtes tout à fait coquette, moi ça me surprend. Avant tout effectivement comme vous l'avez dit, je suis une femme, donc je suis aussi une maman. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Après, il ne faut pas être dans les extrêmes, je pense, tant sur le côté militaire que sur le côté féminin. C'est sûr que je ne vais pas arriver avec peut-être le même maquillage ou la même esthétique que le week-end quand je suis en mode maman ou femme. Mais après, pour moi, ce n'est pas incompatible. Après, voilà, oui, j'ai une tenue, bah, vous voyez, je suis habillée en kaki, je porte des rangers, je suis armée. Et puis avec les chiens, vous savez, il vaut mieux être habillé, je pense, comme ça, parce que si vous voulez, ils sont assez excessifs. Ils sont débordants d'amour, nos chiens, donc ils viennent souvent se coller à nous, quoi. Et là, vous allez voir, Hagen, il ne vit que pour moi. Bon, j'imagine que ça fait du bien. Ah bah flatteur. Oui, c'est flatteur. En plus, vous savez, vraiment c'est, voilà, bon, après, je vais parler que d'Hagen parce qu'Hagen, il est comme ça, mais c'est vraiment un chien très proche de son maître. Et on a vraiment une complicité extraordinaire. Plus forte qu'avec les deux autres, qu'avec Mocha et Joker? Ah non, moi j'aime les trois de la même façon parce que, si vous voulez, Hagen, c'est mon premier pour la recherche de produits explosifs. Et après, Joker, c'est aussi mon premier pour la recherche de restes humains. Et Mocha, c'est un petit chiot que j'ai eu à 2 mois. Et donc du coup, bah, ouais, en fait, je les aime tous les trois. Je pense que c'est comme les enfants, hein, vous savez. Pas la différence, quoi. On aime nos petits, quoi. Bah, eux, ils font partie de notre vie. Et moi, en tout cas, je les aime tous de la même manière. Voilà, Gun. Oui, oui, loulou. Bah, ouais. Oh bah ouais, grosse patate. Oh la grosse patate. Voilà, une boule de nerf. Vous voyez? Oui, bon bah oui. Bah ouais, gros loulou. Donc voilà, je vous présente Hagen. Doucement, doucement, sage. Voilà. Assis, assis, viens là. Assis, pas bouger. Donc vous pouvez vraiment le caresser. Voilà, vraiment, vraiment être... C'est un amour, il adore les câlins, il est vraiment bien dans sa tête. Vous avez vraiment, il a aucune agressivité. Alors là, Hagen, il s'est mis en position de travail, j'imagine. Ouais. C'est assis entre vos jambes. C'est toujours comme ça que. Pour leur exprimo, oui. Ouais. Pour leur exprimo, on travaille comme ça. Et assis, pas bouger. Alors pourquoi bah, décrivez-nous là. Pourquoi est-ce qu'il par réflexe il se met comme ça? Ben là, il se met comme ça parce qu'il aime bien venir au contact de moi déjà. Voilà. Et puis si je l'ai pas ici, il va commencer à sauter comme un zébulon. Mais après, c'est vrai qu'au travail, pour leur expémo, on les fait mettre à l'assis entre nos jambes, on les conditionne et en fait, ils vont checker les personnes qui passent devant. Voilà. Hagen, viens. Assis. Couché. Pas bouger. Et il obéit. Et oui, il obéit. Non, non, non. Enfin, presque, vous avez vu. Couché. Pas bouger. Tu restes. Pas bouger, tu restes. Voilà. Bon, si vous voulez les caresser, vous pouvez. Hein. Il y a des gens qui spontanément viennent caresser les chiens quand on est en mission. Couchez, Hagen. Couchez. Couche-toi. Ah bah ça y est, vous êtes fin copain. Ah bah oui, là vous l'avez caressé, c'est ça y est, c'est peau de colle. Hein. Pourquoi Hagen? Eh ben parce que c'est son nom quand il est né. Ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. Il est arrivé avec ses papiers et donc sur son nom, ben c'est marqué Hagen. H-A-E-G-E-N. C'est presque comme Hagen Das. Voilà, vous voyez, c'est 34 kilos de câlins, de papouilles. Oui, de muscles. Ouais, vous avez vu, ouais. Ouais, c'est un super chien. Franchement, c'est un chien qui est vraiment bien sous tous les angles. Par contre, il est très excessif. Il a du jus. Il pourrait travailler jusqu'à en mourir pour moi, quoi. Vraiment. Si je l'arrête pas, si je le raisonne pas, lui continuera. Parce qu'en plus, il est complètement addict de son jeu. Vraiment. Le jeu. Il y a que ça. C'est un bébé. Combien ça coûte un chien comme ça? Vous savez Alors, pour Gramma, il me semble qu'on ne dépasse pas les 2000 euros pour les achats des chiens. Après, il y a aussi des dons, des personnes qui n'arrivent plus à gérer les chiens et qui en font don à l'État. et donc à la gendarmerie. Et donc après, après ça, vous pouvez peut-être voir avec, plus avec la cellule achat ou avec le colonel. Eh ben, tu vas retourner dans... Comment on appelle ça? Un enclos? C'est des courettes de... Non, c'est pas une cellule. Allez, tu retournes en cellule, again. Ça le fait pas pour un chien gendarme. Mais par contre, non, c'est ces courettes de détente. C'est des petites courettes, ça évite de les avoir. Mais à Gun, c'est un petit... Oui, pourquoi vous l'avez pas à la maison? Enfin, parfois, vous le prenez à la maison ou non, ce serait pas gérable? Si, moi, je l'ai à la maison. Si, si, moi, ouais, Gun... À Gun, il a une belle vie. Si, si, à Gun... Mais c'est très courant, enfin, moi, je, tous les... C'est compliqué, il faut avoir les infrastructures. Hein. Moi, j'ai fait construire un chenil exprès dans mon jardin pour qu'il puisse avoir son petit chenil personnel. Mais après, c'est parce qu'à Gun, il est très, très proche de moi. Et après, c'est pas un chien qui vit bien le chenil. Et ensuite, c'est vrai que moi, je veux le garder en pleine forme quand je le récupère. Donc si je le laisse en chenil, je le récupère, il a déjà perdu quelques kilos, il est très stressé, donc voilà, c'est mon binôme, hein. C'est mon binôme de travail. Hein, grosse patate. Oh, oui. Ce qui est bien avec les chiens, c'est que ça vous oblige à vous remettre en question dans vos tempéraments, parce qu'en fait, je suis comme lui, moi. Vous voyez, dans mon tempérament. Et en fait, ce qui est bien avec Hagen, c'est qu'il m'a obligée à modifier certaines de mes réactions ou mon tempérament, où j'ai été obligée d'apprendre à moi me poser pour que lui puisse en fait bénéficier de ça pour travailler, on va dire, dans le... Je vois que vous rigolez. Oui. Pour ben justement pour que le travail soit bien réalisé, parce que là, ça fait deux boules de feu, quoi, si vous voulez. On est tous les deux explosifs. Donc Hagen, il m'a appris la maîtrise de soi, il m'a fait changer, comme quoi. Hein. Allez Hagen, viens. Allez, sage. C'est sage gros, hein. Oui, sage. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est détente. Voilà. Mais c'est quoi en principe une journée type de Hagen? Ça dépend. Soit j'ai des missions, donc il part avec mon mission et on fait notre mission. Soit j'ai, par exemple, comme lundi, j'avais un exercice particulier sur une matière particulière. On a fait des tests, donc du coup, je bosse sur mon exercice. Soit je fais faire un peu d'obéissance de temps en temps, parce que ça fait du bien aussi pour le canaliser un petit peu. Et puis sinon, cette détente, on va se promener. Voilà. Colonel Dallier, où est-ce que nous sommes? Alors ici, vous êtes au Jardin du Souvenir. C'est un jardin qui a été inauguré il y a quelques années, dans les années 2000, et où on enterre tous nos chiens, ceux qui ont été décorés ou ceux qui ont servi loyalement la gendarmerie pendant toute leur carrière. Et également, au fond de ce jardin, vous avez la stèle où a été enterré le chien gamin qui donne le nom à la caserne et qui est mort donc en 1962 à Gramat, mais qui s'est illustré en 1958 en Algérie en protégeant son maître qui avait été malheureusement tué par les félagas, mais qui l'a défendu jusqu'à l'arrivée des militaires qui sont venus délivrer et je dirais repousser l'attaque qui avait été faite. Voilà. Alors les chiens de gendarmerie sont des militaires, ils ont un matricule d'ailleurs qui leur est décerné. Et effectivement, comme leur maître, ils peuvent être décorés sur des opérations. C'est pour ça que ceux qui sont décorés ont des stèles individuelles. Après, on a un lieu commun où on enterre tous les autres chiens. Et ces chiens militaires, effectivement, quand on a des prises d'armes, ils sont décorés sur la place d'armes comme leur maître. Voilà. Et ils s'en rendent compte au même titre que leur maître, parce que généralement, ils ont beaucoup de prestance lorsqu'on les décore. Donc les chiens ne sont ni des outils ni des armes, ici ce sont des militaires. Ce sont des êtres vivants, et en tant que tels, ils sont traités au même titre que les militaires. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et ici, vous pouvez nous décrire un peu comment ça se présente? Il y a combien de chiens? Avec quel nom? Alors il y a Athos, il y a Altes, Matt, Brahma, Bob, Patton, Ezo, Lord, Dengo, Tyson, Drax, Chad, Gina, Sanka, Junior. Est-ce que c'est pas un peu excessif ce cérémonial, ce décorum pour des chiens? Moi, je vis au milieu des chiens depuis 3 ans. J'ai toujours eu des chiens aussi avec moi qui m'ont accompagné. Et je pense que j'en reviens souvent à la citation que disait Victor Hugo. Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas me dire qu'il n'a pas d'âme. Et je crois que quelque part, si les maîtres de chiens sont aussi attachés à leurs animaux, c'est que quelque part, ils ont vécu des histoires hors du commun dans le cadre de leur métier. Et que pour eux, ils ne peuvent pas se séparer de leurs compagnons de 8, 9 ans, ou 10 ans, voire 11 ans pour certains, comme ça, comme si c'était quelqu'un qu'ils n'ont pas fréquenté, quelqu'un qui ne soit pas comme un membre de leur famille. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi travailler avec un chien. Je pense que quand on a une passion, les choses, elles se font naturellement. Et on n'a pas besoin de pourquoi ou de comment pour en arriver là. Je sais que mon père était un passionné de chiens parce qu'il aimait la chasse et j'ai toujours entendu parler de son créancement sur les chiens de chasse pour tel ou tel gibier. J'ai toujours créancement, entendu. Ça veut dire créancement, c'est un mot qu'on utilise nous pour dire qu'on amène le chien à telle spécialité. Voilà, c'est un mot qui ça veut pas dire grand chose, mais nous on le comprend quand on parle entre sinos. Et par contre, oui, je pense que j'ai toujours écouté ces journées de chasse, et je pense que peut-être la passion est arrivée à ce moment-là. Mais mon plus grand déclic, je pense, c'est que j'ai eu la chance d'être suppléante maître de chien dans les Alpes en piste avalanche, et j'ai eu aussi des interventions sur des stations de ski pour des avalanches pour des personnes qui étaient ensevelies. Ouais, donc oui, de là, je me suis dit c'est ma voie. Et vous disiez c'est votre binôme. Qu'est-ce que ça vous ferait de perdre votre binôme ? Bah, beaucoup de mal, beaucoup de tristesse. Après, on sait que c'est un risque qui peut avoir lieu. Maintenant, je ferai tout pour qu'il reste en sécurité et l'exposer le moins possible. Après, si sur une opération Rexpémo, il marque une personne qui est porteuse d'une ceinture d'explosifs... Voilà, j'en connais l'issue, autant pour lui que pour moi. Et l'issue, c'est quoi ? Bah, la mort. Si la personne déclenche sa ceinture, je donne pas cher de sa vie ni de la mienne. On sera à proximité. C'était Chien au service de l'État. Avec le commandant Dulieu, vétérinaire, le colonel Dallier, le maréchal des logis chefs, Plutino, et le chien Hagen. Coordination Christine Bernard, un documentaire d'Olivia Cohen et François Test. Demain, la suite du documentaire sur les brigades canines, ce sera 13h30, mais pour l'instant 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.